La Belle et la Bête de Jean Cocteau. La Belle et la Bête est un film réalisé et scénarisé par Jean Cocteau, sorti en 1946. Dans ce film, Cocteau adapte le conte de fées de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, publié par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont dans les années 60 du XVIIIe siècle. Le motif de la Belle, tombant amoureuse de son geôlier repoussant, a souvent été adapté au cinéma ou joué dans les salles de spectacle. L'une des versions les plus connues est le dessin animé de Walt Disney qui date de 1991. Il existe également une réadaptation française très récente de 2014. Le film de Jean Cocteau a connu beaucoup de reconnaissance et de succès. Sa première a eu lieu au Festival de Cannes de 1946 et Cocteau y a gagné le prix Louis de Luc pour sa réalisation. On dit que ce chef-d'œuvre du film poétique est pour certains le précurseur du film fantastique. La Belle et la Bête raconte l'histoire d'un marchand tombé en faillite, vivant retiré à la campagne. Le marchand a trois filles et un fils flambeur qui s'appelle Ludovic. Les deux aînées filles sont très gâtées et arrogantes, alors que la Benjamine, appelée la Belle, est gentille, bonne et modeste. La Belle a beaucoup d'affection pour son père. Pour lui plaire, elle refuse même les avances d'avenant à un jeune homme qu'il aime. Un jour, le marchand de retour d'un voyage doit se réfugier dans un château enchanté à cause d'une tempête. Le jour suivant, avant de partir, il cueille une rose du jardin du château en vue de l'offrir à la Belle. Il n'a pas plus tôt fait de la couper que le maître du château arrive. Il s'agit d'une créature étrange qui est dressée et habillée comme un prince, mais dont le corps est celui d'un animal sauvage. Cette créature, qui n'est autre que la Bête, exige que le vol de cette rose soit payé par la vie du marchand. S'il veut survivre, affirme la Bête, il faut qu'une de ses filles prenne sa place. La Bête lui laisse du temps pour réfléchir et le fait reconduire à la maison. La Belle décide alors de se sacrifier pour son père. Mais quand elle arrive au château, elle n'est pas exécutée. La Bête chérit sa compagnie et la comble de richesses. Au début, la Belle est effrayée et dégoûtée par la Bête et sa laideur. Mais peu à peu, ses sentiments changent et elle remarque qu'elle éprouve de l'affection et de l'amour. Un jour, elle lui demande la permission de rendre visite à sa famille. La Bête accepte, mais lui dit qu'elle mourra si elle ne revient pas. Une fois rentrée, les vêtements et les précieuses parures de la Belle font naître la jalousie de sa famille. Son frère et avenant décident de tuer la Bête et de voler tous les trésors du château. Pendant ce temps, la Belle retourne chez la Bête pour la sauver. Elle la trouve en train de mourir. Elle lui avoue son amour. La Bête se transforme en beau prince alors qu'avenant, assassiné par une flèche magique, devient une bête. Le beau prince emmène la Belle dans son royaume et ils envolent au ciel. Pourquoi cette séquence est-elle importante? Le premier extrait montre le premier dîner de la Belle chez la Bête. On peut voir qu'elle est effrayée par son nouvel environnement, bien qu'elle essaye de se montrer courageuse et fière. Cet extrait est aussi important car on s'aperçoit que la Bête n'est pas un geôlier ordinaire. C'est la Bête qui dépend de l'amour volontaire de la Belle pour être sauvée, de sorte que les rôles sont presque inversés. Cette dépendance est évoquée par la Bête qui dit qu'il n'y a de maître que la Belle et qu'il lui demande chaque soir de devenir sa femme. Au cours de l'extrait suivant se produisent deux transformations. La plus évidente est celle de la Bête transformée en beau prince par l'amour de la Belle. L'amour peut faire qu'un homme devient bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devient beau. Mais cet extrait extrait montre une transformation plus subtile en comparaison avec le premier extrait. Les sentiments de la belle envers la bête ont changé. L'effroi et le dégoût ont fait place à l'amour. À la fin, c'est cet amour qui sauve la bête.